Mais ce n'était point assez. D'autres richesses, des richesses de toutes sortes, rayonnaient de toutes parts. Des statues de marbre, des diadèmes enrichis de diamants, un tapis merveilleux, dessiné à Blois, brodé par les dames de la France entière. Une palme d'or, ornée d'émaux, envoyée par le souverain pontife. Les lampes qui descendaient des voûtes étaient également des cadeaux. Quelques-unes d'or massif, du travail le plus délicat. Elles ne se comptaient plus. Elles étoilaient la nef comme des astres précieux. Devant le tabernacle, il y en avait une, offerte par l'Irlande, un chef-d'œuvre de ciselure. D'autres, celles de Valence, celles de Lille, celles de Macao, envoyées celles-ci du fond de la Chine, étaient de véritables joyaux, étincelants de pierreries. Et quel resplendissement lorsque les 20 lustres du chœur étaient allumés, lorsque les centaines de lampes, les centaines de cierges brûlaient à la fois aux grandes cérémonies du soir. Alors, l'église entière s'embrasait, toutes ces petites flammes de chapelles ardentes se reflétaient en mille feux dans les milliers de chœurs d'or et d'argent. C'était un brasier extraordinaire. Les murs ruisselaient de flammèches vives. On entrait dans la gloire aveuglante du paradis. Tandis que les bannières sans nombre déroulaient de tous côtés leurs soies, leurs satins et leurs velours, brodés de cœurs saignants, de saints victorieux, de vierges dont le bon sourire enfantait des miracles. Ah, cette basilique! Que de cérémonies déjà y avaient développé leur pompe! Jamais le culte, jamais la prière et les chants n'y cessaient. D'un bout de l'année à l'autre, l'encens fumait, les orgues grondaient, les foules agenouillées priaient de toute leur âme. C'étaient les messes continuelles, c'étaient les vêpres et les prônes et les bénédictions et les exercices journellement recommencés et les fêtes célébrées avec une magnificence sans égale. Les moindres anniversaires devenaient des prétextes à solennité fastueuse. Chaque pèlerinage devait avoir sa part d'éblouissement. Ces souffrants et ces humbles, venus de si loin, il fallait bien les renvoyer consolés, ravis, en portant la vision du paradis entrouvert. Ils avaient vu le luxe de Dieu, ils en garderaient l'éternelle extase. Au fond de pauvres chambres nues, en face de grabats douloureux, dans la chrétienté entière, la basilique s'évoquait, avec son flamboiement de richesses, comme un rêve de promesses et de compensations, comme la fortune même, le trésor de la vie future, où les pauvres entreraient certainement un jour après leur longue misère d'ici-bas. Et Pierre n'avait aucune joie. Regardait ses splendeurs sans consolation ni espérance. Son malaise affreux augmentait. Il faisait noir en lui. Un de ces noirs de tempête, lorsque les idées, les sentiments soufflent et hurlent. Depuis que Marie s'était levée de son chariot, criant qu'elle était guérie, depuis qu'elle marchait, si forte, si vivante, il sentait monter en lui une immense désolation. Cependant, il l'aimait en frère passionné. Il avait éprouvé un bonheur sans bornes à voir qu'elle ne souffrait plus. Pourquoi donc agonisait-il ainsi de sa félicité à elle? Il ne pouvait plus la regarder, maintenant, agenouillée, rayonnante au milieu de ses larmes, d'une beauté reconquise et grandie, sans que son pauvre cœur saignât, comme sous une mortelle blessure. Il voulait rester pourtant. Il détournait les yeux, tâchait de s'intéresser au père Mathias, toujours secoué de sanglots sur les dalles, et dont il enviait l'anéantissement dans la dévorante illusion de l'amour divin. Un instant même, il questionna Berthaud, parut admirer une bannière sur laquelle il demanda des explications. « Laquelle ? Cette bannière de dentelle, là-bas ? » « Oui, à gauche. » C'est une bannière offerte par le puits. Les armoiries sont celles du puits et de Lourdes, liées par le rosaire. La dentelle en est si fine qu'elle tiendrait dans le creux de la main. Mais l'abbé Judaine s'avançait. La cérémonie allait commencer. Les orgues de nouveau grondèrent, un cantique fut chanté, pendant que, sur l'autel, le Saint-Sacrement était comme l'astre roi, parmi le scintillement des cœurs d'or et d'argent, aussi nombreux que les étoiles. Et Pierre n'eut pas la force de rester davantage. Puisque Marie avait avec elle Madame de Jonquière et Raymonde, qui l'accompagneraient, il pouvait s'en aller, disparaître en un coin d'ombre, où il pleurerait enfin. D'un mot, il s'excusa, prétexta son rendez-vous avec le docteur Chassaigne. Puis, il eut une crainte encore, celle de ne savoir comment sortir, tellement le flot pressé des fidèles barrait la porte. Une inspiration lui vint. Il traversa la sacristie, descendit dans la crypte, par l'étroit escalier intérieur. Brusquement, ce fut un silence profond, une ombre sépulcrale, succédant aux voix d'allégresse, aux prodigieux éclats de là-haut. La crypte, taillée dans le roc, était faite de deux couloirs étroits, séparés par le massif portant la nef, et qui conduisaient sous l'abside à une chapelle souterraine que de petites lampes éclairaient nuit et jour. Une forêt obscure de piliers s'entrecroisait. Il régnait là une mystique terreur dans les demi-ténèbres, où frissonnait le mystère. Les murs restaient nus, c'était la pierre même du tombeau, au fond duquel tout homme doit dormir son dernier sommeil. Le long des couloirs, contre les parois que recouvraient du haut en bas les plaques de marbre des ex-voto, on ne voyait qu'une double rangée de confessionnaux, car l'on confessait dans cette paix morte de la terre. Il y avait des prêtres parlant toutes les langues pour remettre leurs fautes aux pécheurs venus là, des quatre coins du monde. À cette heure, pendant que la foule s'écrasait en haut, la crypte se trouvait absolument déserte. Pas une âme n'y mettait son petit frémissement. Et Pierre, dans ce grand silence, dans cette ombre, dans cette fraîcheur de la tombe, s'abattit sur les deux genoux. Ce n'était point par un besoin de prière et d'adoration. C'était que tout son être défaillait sous la tourmente morale qui venait de le briser. Il avait la soif torturante de voir clair en lui. Ah, que ne pouvait-il s'enfoncer plus profondément encore dans le néant des choses, réfléchir, comprendre, se calmer enfin. Et il vécut une agonie affreuse. Il tâchait de recommencer les minutes depuis que Marie, tout d'un coup soulevée de sa couche de misère, avait jeté son cri de résurrection. Pourquoi donc, malgré sa joie fraternelle à la revoir debout, avait-il dès lors éprouvé un atroce malaise, comme si le plus mortel malheur le frappait? Était-il donc jaloux de la grâce divine? Souffrait-il de ce que la Vierge, en la guérissant, l'avait oublié, lui dont l'âme était si malade? Il se souvenait du dernier délai qu'il s'était donné, du rendez-vous suprême qu'il avait fixé à la fois au moment où le Saint-Sacrement passerait. Si Marie était guérie, et elle était guérie, et il ne croyait toujours pas. Et désormais, il n'avait plus d'espérance, car il ne croirait jamais plus. Là saignait la plaie vive. Cela éclatait avec une cruauté, une certitude aveuglante. Elle était sauvée, il était perdu. Ce prétendu miracle qui la réveillait à la vie venait d'achever en lui la ruine de toute croyance au surnaturel. Ce qu'il avait rêvé un instant de chercher encore et de retrouver peut-être à Lourdes, la foi naïve, la foi heureuse du petit enfant, n'était plus possible, ne refleurirait pas, après cet écroulement du prodige, cette guérison que Beauclerc lui avait annoncée, qui s'était réalisée ensuite de point en point. jaloux, oh non, mais dévasté, mortellement triste de rester ainsi tout seul dans le désert glacé de son intelligence, à regretter l'illusion, le mensonge, le divin amour des simples d'esprit, dont son cœur n'était plus capable. Un flot d'amertume étouffa Pierre, des larmes jaillirent de ses yeux. Il avait glissé sur les dalles, anéanti d'angoisse. Et il se rappela cette délicieuse histoire, depuis le jour où Marie, qui avait deviné la torture de son doute, s'était passionnée pour sa conversion, lui prenant la main dans l'ombre, la gardant entre les siennes, en balbutiant qu'elle prierait pour lui, oh, de toute son âme. Elle s'oubliait, elle suppliait la Sainte Vierge de sauver son amie plutôt qu'elle, si elle n'avait qu'une grâce à obtenir de son divin fils. Puis, ce fut un autre souvenir, les heures adorables qu'ils avaient passées ensemble sous l'épaisse nuit des arbres, pendant le défilé de la procession aux flambeaux. Là encore, ils avaient prié l'un pour l'autre, ils s'étaient perdus l'un dans l'autre, avec un si ardent désir de leur bonheur mutuel, qu'ils avaient touché un instant le fond de l'amour qui se donne et qui s'immole. Et leur longue tendresse trempée de larmes, la pure idylle de leur souffrance, aboutissait à cette brutale séparation. Elle, sauvée, radieuse au milieu des champs de la basilique triomphante, lui, perdu, sanglotant de misère, écrasé au fond des ténèbres de la crypte, dans une solitude glacée de tombe. C'était comme s'il venait de la perdre une seconde fois, pour toujours. Brusquement, Pierre sentit le coup de couteau que cette pensée lui donnait en plein cœur. Il comprit enfin son mal. Ce fut une clarté subite qui éclaira la crise terrible où il se débattait. Une première fois, il avait perdu Marie le jour où il s'était fait prêtre, en se disant qu'il pouvait bien n'être plus un homme, puisqu'elle-même ne serait jamais femme, frappée dans son sexe d'une maladie incurable. Et voilà qu'elle était guérie, qu'elle redevenait femme. Voilà qu'il l'avait tout d'un coup revue très forte, très belle et vivante, et désirable et féconde. Lui était mort, ne pouvait redevenir un homme. Jamais plus il ne soulèverait la pierre tombale qui écrasait, qui scellait sa chair. Elle s'échappait seule, elle le laissait dans la terre froide. C'était le vaste monde qui se rouvrait devant elle, le bonheur souriant, l'amour qui rit sur les routes ensoleillées, un mari, des enfants sans doute. Tandis que lui, comme enseveli jusqu'aux épaules, ne gardait de libre que son cerveau pour souffrir davantage. Elle était encore à lui lorsqu'elle n'était à aucun autre, et il n'agonisait si abominablement depuis une heure que de cet arrachement définitif qui la séparait de lui, cette fois, à jamais. Alors, une rage secoua Pierre. Il fut tenté de remonter, de crier la vérité à Marie. Le miracle, mensonge, la bonté secourable d'un Dieu tout-puissant, illusion pure. La nature seule avait agi, la vie encore une fois venait de vaincre. Et il aurait donné des preuves, il lui aurait montré la vie unique souveraine, refaisant de la santé avec toutes les souffrances d'ici-bas. Puis, ils seraient partis ensemble, ils seraient allés très loin pour être heureux. Mais une terreur soudaine l'envahissait. Et quoi? Toucher à cette petite âme blanche, tuer en elle la croyance? L'emplir de ces ruines de la foi dont lui-même était ravagé? Cela lui apparut soudain comme un odieux sacrilège. Ensuite, il se serait fait horreur. Il aurait cru l'avoir assassiné s'il se reconnaissait un jour incapable de lui rendre un bonheur égal. Peut-être ne le croirait-elle pas. D'ailleurs, épouserait-elle jamais un prêtre parjure? Elle, qui garderait l'inoubliable douceur d'avoir été guérie dans l'extase? tout cela lui a paru fou, monstrueux, salissant. Déjà, sa révolte s'apaisait. Il ne gardait qu'une infinie lassitude, une sensation brûlante de plaies inguérissables, son pauvre cœur meurtri et arraché. Puis, dans son abandon, dans le vide où il roulait, une lutte suprême l'angoissa. Qu'allait-il faire? Il aurait voulu fuir, ne plus revoir Marie, devenue lâche devant la souffrance, car il comprenait bien qu'il lui faudrait mentir maintenant, puisqu'elle le croyait sauvé avec elle, convertie, guérie de son âme, comme elle était guérie de son corps. Elle lui en avait dit sa joie, en traînant son chariot par les rampes colossales. Oh, avoir eu ce grand bonheur ensemble, ensemble, avoir senti leurs âmes se fondre l'une dans l'autre. Et il avait menti déjà. Il serait obligé de mentir toujours pour ne pas lui gâter cette belle illusion si pure. Il laissa s'éteindre les derniers battements de ses veines. Il jura d'avoir la sublime charité de feindre la paix, le ravissement du salut. Il la voulait complètement heureuse, sans un regret, sans un doute, en pleine sérénité de la foi, convaincue que la Sainte Vierge avait consenti à leur union toute mystique. Qu'importait sa torture à lui? Plus tard, peut-être, il se reprendrait. Au milieu de la solitude désolée de son intelligence, n'était-ce pas un peu de joie qui le soutiendrait, toute cette joie dont il allait lui laisser le mensonge consolateur? Des minutes encore s'écoulèrent, et Pierre, anéanti, restait sur les dalles, à calmer sa fièvre. Il ne pensait plus, il n'existait plus, dans l'accablement de tout l'être qui suit les grandes crises. Mais il crut entendre un bruit de pas, et il se releva péniblement. Il affecta de lire les ex-voto, les inscriptions gravées sur les plaques de marbre le long des murs. D'ailleurs, il s'était trompé, personne n'était là, et il n'en continua pas moins sa lecture, d'abord machinalement, cherchant une distraction, ensuite gagné peu à peu par une émotion nouvelle. C'était inimaginable. La foi, l'adoration, la gratitude s'étalaient sur ces plaques de marbre gravées en lettres d'or, par centaines, par milliers d'exemplaires. Il y en avait d'ingénus qui prêtaient à sourire. Un colonel avait fait sculpter son pied avec ces mots « Vous me l'avez conservé, faites qu'il vous serve ». Plus loin, on lisait « Que sa protection s'étende sur la verrerie !» Ou c'était encore l'étrangeté des demandes que l'on devinait à l'innocente franchise des remerciements. « À Marie Immaculée, un père de famille, santé rendue, procès gagné, avancement obtenu. » Mais cela se perdait dans le concert des cris brûlants qui montaient, le cri des amants. Paul et Anna demandent la bénédiction de Notre-Dame de Lourdes sur leur union. Le cri des mères. Reconnaissance à Marie. Trois fois elle m'a guéri mon enfant. Reconnaissance pour la naissance de Marie-Antoinette, que je lui confie, ainsi que les miens et moi. P.D. âgé de 3 ans, a été conservé à l'amour des siens. Le cri des épouses, le cri des malades soulagés, le cri des âmes rendues au bonheur. Protégez mon mari, faites que mon mari se porte bien. J'étais infirme des deux jambes, je suis guérie. Nous sommes venus et nous espérons. J'ai prié, j'ai pleuré et elle m'a exaucée. Et des cris encore, des cris d'une discrétion ardente faisaient rêver de longs romans. Vous nous avez unis, protégez-nous. Ah Marie, pour le plus grand des bienfaits. Et toujours les mêmes cris, les mêmes mots revenaient, avec une ferveur passionnée. Gratitude, reconnaissance, hommage, action de grâce, remerciement. Ah, ces centaines, ces milliers de cris à jamais fixés dans le marbre, qui, du fond de la crypte, clamaient à la Vierge l'éternelle dévotion des misérables humains qu'elle avait secourus. Pierre ne se lassait pas de lire, la bouche amère, envahie d'une désolation croissante. Lui seul n'avait donc à attendre aucun secours. Lorsque tant d'êtres souffrants étaient exaucés, lui seul n'avait pas su se faire entendre. Et il songeait maintenant à l'extraordinaire quantité des prières qui devaient être dites à Lourdes, d'un bout de l'année à l'autre. Il tâchait d'en évaluer le nombre. Les journées vécues devant la grotte, les nuits passées dans l'église du Rosaire, et les cérémonies à la basilique, et les processions sous le soleil et sous les étoiles. C'était incalculable, cette continuelle supplication de toutes les secondes. La volonté des fidèles était d'en fatiguer les oreilles de Dieu, de lui arracher des grâces, des pardons, par la masse même, la masse énorme des prières. Les prêtres disaient qu'il fallait donner à Dieu les expiations exigées par les péchés de la France, et que lorsque la somme de ces expiations serait assez forte, la France cesserait d'être frappée. Quelle croyance dure à la nécessité du châtiment! Quelle féroce imagination du pessimisme le plus noir! Comme la vie devait être mauvaise pour qu'une pareille imploration, un tel cri de misère, physique et morale, montât vers le ciel. Mais, au milieu de cette tristesse sans borne, Pierre sentit une pitié profonde le gagner. Oh, cette humanité misérable, elle le bouleversait, réduit à cet excès de malheur, si nu, si faible, si abandonné, qu'elle renonçait à sa raison, pour ne plus mettre le bonheur possible que dans l'ivresse hallucinée du rêve. Des larmes de nouveau emplirent ses yeux. Il pleurait sur lui-même, sur les autres, sur tous les pauvres êtres torturés, qui ont le besoin de stupéfier leur mal, de l'endormir, afin d'échapper aux réalités de ce monde. Il lui semblait encore entendre la foule entassée, agenouillée devant la grotte, jetant au ciel la supplication enflammée de ses prières. Des foules de 20 et 30 000 âmes, d'où montait une ferveur de désir qu'on voyait fumer sous le soleil, comme un encens. Puis, en dessous de la crypte même, dans l'église du Rosaire, s'embrasait une autre exaltation de la foi. Les nuits entières passées au paradis de l'extase, les délices muettes des communions, les ardents appels sans parole, où toute la créature se consume, brûle et s'envole. Puis, comme si les cris jetés devant la grotte, comme si l'adoration perpétuelle au rosaire ne devait pas suffire, cette clameur d'ardente requête recommençait autour de lui, sur les murs de la crypte. Mais là, elle s'éternisait dans le marbre. Elle ne cesserait plus de crier la souffrance humaine, jusqu'au lointain des âges. C'était le marbre, c'était les murs qui priaient, envahis du frisson d'universelle pitié qui gagnait jusqu'aux pierres. Et enfin, les prières montaient plus haut, toujours plus haut, s'élançaient de la basilique rayonnante, bourdonnante au-dessus de lui, pleine en ce moment d'un peuple frénétique dont il croyait sentir, au travers des dalles de la nef, le souffle énorme éclatant en un cantique d'espoir. Il finissait par être emporté, comme s'il s'était trouvé au milieu du frémissement même de ce flot immense de prières, qui, parti de la poussière du sol, gravissait les étages des églises superposées, s'élargissait de tabernacle en tabernacle, apitoyait les murailles, au point qu'elles sanglotaient, elles aussi, et que le cri suprême de misère allait percer le ciel avec l'aiguille blanche, la haute croix dorée au bout de la flèche. Ô Dieu tout-puissant, ô divinité, force secourable, qui que tu sois, prends en pitié les pauvres hommes, fais cesser la souffrance humaine. » Soudainement, Pierre fut ébloui. Il avait suivi le couloir de gauche, il débouchait au plein jour, en haut des rampes. Et tout de suite, deux bras tendres le saisirent, l'enveloppèrent. C'était le docteur Chassaigne, dont il oubliait le rendez-vous, qu'il attendait là, pour le mener visiter la chambre de Bernadette et l'église du curé Peyramale. Oh, mon enfant, quelle joie doit être la vôtre! Je viens d'apprendre la grande nouvelle, la grâce extraordinaire dont Notre-Dame de Lourdes a comblé votre ami. Souvenez-vous de ce que je vous disais avant-hier. Maintenant, je suis tranquille, vous-même êtes sauvé. » Le prêtre, très pâle, eut une dernière amertume. Mais il put sourire, il répondit avec douceur. « Oui, nous sommes sauvés. Je suis très heureux. » C'était le mensonge qui commençait, la divine illusion qu'il voulait donner aux autres par charité. Et Pierre eut encore un spectacle. La grande porte de la basilique était ouverte à deux battants. La nappe rouge du soleil enfilait la nef d'un bout à l'autre. Tout flambait dans un faste d'incendie. La grille dorée du chœur, les ex-votos d'or et d'argent, les lampes enrichies de pierreries, les bannières aux broderies de lumière, les encensoirs balancés, pareils à des joyaux qui volaient. Là-bas, au fond de cette splendeur brûlante, parmi les surplis de neige et les chasubles d'or, il reconnaissait Marie, avec ses cheveux dénoués, des cheveux d'or aussi, dont le flot la vêtait d'un manteau d'or. Et les orgues éclataient en un chant royal, et le peuple délirant acclamait Dieu. Et l'abbé Judaine, qui venait de reprendre sur l'autel le Saint-Sacrement, le présentait une dernière fois, très grand, très haut, resplendissant comme une gloire, dans ce ruissellement d'or de la basilique, dont toutes les cloches, à la volée, sonnaient le prodigieux triomphe.